مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. آهن آهن أخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية، الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن أجر الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية. كور ديسبنسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. باب مرفوعات الأسماء، باب الفاعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق بقية الكلام في الجوازم، والجوازم التي تجزم فعلين مضارعين. في بقية الجوازم من حيث الجزم تنقسم إلى قسمين: قسم يجزم فعلا واحدا، وقسم يجزم فعلين. تمام. On avait pu les évoquer. نعم. Et le, نعم. Dans le cours, on avait évoqué les i'rab qui sont en rapport avec ces adat al-shart. يعني certains selon la jumla, ils auront une place dans les i'rab. أما ceux qui sont des ahruf, ils n'ont pas de mahal min al-i'rab. أما الأسماء كما نبيوكي كم ما ومن ومهما ويفي نعم يفي وأي تام، هذه سيد أسامي يزوى محل في الإعراب. تام ونبيوكي الإعراب بحسب استمي من باب الفائدة. تام ومبابوز دي كيشن بابا صلى استمي جوش من باب الفائدة. تام إن شاء الله مبابوصل directement histoire de rattraper un peu le retard qu'on a perdu. Donc nous voici inshallah tabarak wa ta'ala wa insha Allah subhanahu wa ta'ala an yu'inana ala dhalik. Qala rahimahullah ta'ala, qala babu marfu'ati al-asma. Al-an al-mu'allif rahimahullah ta'ala yantaqilu ila babin jadid qui est bab marfu'ati al-asma. Wal marfu', on a pu voir qu'est-ce que c'était. Yani ma taghayyara akhiruhu bi adamma aw ma naba 'anha bi sababi دخول العامل تام في تلك الكلمة. parce que المرفوع تام ça peut être un اسم comme ça peut être un فعل. تام أما الأحرف on a pu voir elles sont tous مبنيّة. تام لا تقبل الإعراب. donc là il va nous parler des مرفوعات من الأسماء، وهنا كذلك مرفوعات من الأفعال. donc là il va nous parler des مرفوعات من الأسماء et les أجمع les أغيني dans ce bab-là pour que ce soit plus facile pour le tarib, pour qu'il puisse cerner quels sont ces marfouat, quels sont ces asma, tam qu'ils auront cet arabe-là d'être marfou. Et lorsqu'il dit babu marfouat al-asma, et anna dhalika yakun da'iman lahu. Faqala rahmahullahu ta'ala, qala al-marfouatu sab'a. Wa as-sahih, c'est tis'a. Al-marfouat, ils sont au nombre de quoi? De neuf. C'est tis'a et c'est pas sab'a. Al-Mu'alif, rahimahullah ta'ala, il n'a pas évoqué celui qu'on appelle khabaru la nafiyat al-jins. Khabaru la النافيه للجنس كما كذلك اسم خبر يفي partie des marfouat min al asma wa ma ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى et c'est important de l'évoquer ici parce qu'il a dit al marfouat sab'a tam le fait qu'il a évoqué ce chiffre là on est obligé si jamais il y a une erreur de la rectifier اما si jamais il aurait dit min al marfouat al fa'il wal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu ila akhirih on se serait contenté de suivre le matin lakin le fait qu'il a restreint le nombre des marfouat ila sab'a wajaba نعم بيان الحق والصواب في هذه المسألة. Donc ils sont pas au nombre de 7 لكن ils sont au nombre de 9. والثامن c'est خبر لا نافية للجنس. On va juste l'évoquer من باب التعديل المقال pour rectifier ce qu'il a dit. لكن inshallah je pense que ça va venir. Si c'est pas dans ce kitab là, c'est dans un autre kitab. Donc on va pas se rentrer en détail. نعم il va l'évoquer inshallah à la fin c'est vers la fin il va l'évoquer la nafiyatul injis donc inshallah on en reparlera à la fin si Allah subhanahu wa ta'ala le veut donc là plutôt le khabar de la nafiyatul injis kadhalika il est quoi il est marfou مثلا قولك لا اله الا الله تام اولا ما معنى nafiyatul injis c'est-à-dire qu'elle vient pour apporter une négation dans le genre de ce mot là تام lorsqu'on dit مثلا la ilaha c'est-à-dire que tu es en train de d'apporter une négation terme total du genre de la divinité. Yani la ilaha, yani il n'a pas d'existence de ilah. Lorsque tu ramènes la nafiyatul jins, هذا هو المعنى. مثلا شيخ متي دي لا رجل في الدار. معنى ذلك نفيت وجود جنس الرجال في الدار. Tu as apporté la négation, yani qui ne se trouve pas dans ce bait là, le genre masculin parmi les rijal. La rijal fi الدار. Si après il dit illa rajulain, c'est pas possible hein, parce que tu as dit la rajulain, la rajula fi dar. Donc le fait que tu as dit la rajula, c'est pas possible qu'on trouve après cela des rijal. Donc qawluna la ilaha illa Allah. Huna le khabar, il faut savoir que le khabar de la nafiyatul jins, c'est une chose qui est quoi? Qui est al mahdhuf, tam, al muqaddar, elle n'est pas évoquée. Lorsqu'on dit la ilaha illa Allah, la ma'bud bihaq. La ilaha ay la ma'bud parce que al ilah c'est le ma'bud on l'a remplacé par ma'bud parce que al ilah c'est le ma'bud la ilaha si on peut dire aussi kadalka la ilaha bihaqqin illallah bihaqqin fil wujud illallah subhanahu wa ta'ala donc là al khabar huna c'est quoi ou na'am haqqun la ma'bud haqqun c'est comme si on disait la ma'bud haqqun illallah subhanahu wa ta'ala فحق هنا il est مقدر et c'est le khabar de quoi la nafiyatu lil jins donc celui-là il est marfou كذلك donc ça ajouté avec les 7 qu'il a évoqué rahimahullah tabarak wa taala min bab al fa'ida tu vas voir certains des nuha ils apportent à l'i'rab de khabar la nafiyatu lil jins dans la kalima de la ilaha illallah ils ramènent comme i'rab du khabar et le sous-entend comme étant موجود أي معنى ذلك لا إله موجود إلا الله تام et ce, le fait de sous-entendre que le khabar qui est mahzouf son taqdir تام c'est موجود ça c'est une khata تام parce que ça venait c'est comme si jamais on venait à dire il n'y a pas de divinité existante excepté Allah subhanahu wa ta'ala alors que il y a des divinités qui sont adorées en dehors d'Allah azza wa jal yani on n'a qu'à prendre juste l'exemple de Al-Hind يعني تعبد فيه يعني كم من إله يعني تعبد في الهند كثير تمام لكن بحق en toute vérité il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc c'est pour ça que أهل السنة والجماعة لما يعربون هذه الكلمة الطيبة كي يقولوا لا إله إلا الله ils ne disent pas لا إله موجود parce que ça c'est faux تمام ils disent لا معبود بحق تمام لا معبود بحق تمام إلى الله سبحانه وتعالى. بعبارة على آية. نعم ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه هو الباطل. تم الله سبحانه وتعالى إلى دين وذلك بأن الله هو الحق. الله سبحانه وتعالى المعبود هو الحق. يعني الذي عبد بالحق أما ما دونه هو عبد بالباطل. تمام. donc ça c'est من باب الفائدة au niveau de l'arabe. on dit لا إله أي لا معبود بحق إلى الله. Et si tu veux, tu peux dire لا معبود بحق في الوجود إلى الله سبحانه وتعالى. Les deux, tu peux dire لكن le fait de dire لا معبود لا إله موجود إلا الله, ça c'est faux, ça c'est خطأ. Donc le ثامن c'était quoi? On avait dit خبر لا نافية للجنس إلى دائما نش إلى دائما مرفوع لا إله إلا لا معبود بحق بحق جار ومجرور في محل رف خبر لا نافية للجنس. تمام. مثلا on reprend un autre exemple comme on a dit dans le début pour qu'on voit directement le علامة الرف. لا رجال في الدار أي لا رجال موجود في الدار, لا رجال موجود في الدار. تمام. هنا الواو سيكوا علامة الرفع. ومثلا هذه لا رجل موجود في الدار, هنا موجود avec الضمة. تمام. ضمتان الضمة هنا سيكوا علامة الرفع. تمام. دونك لا موجود سخبر لا نافية للجنس اي في بارتي دي مرفوعات الأسماء التي نسي المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكرها إلى باي فوكيسي. تمام. والتاسع c'est اسم أحرف ليس, اسم أحرف ليس, ça c'est le neuvième parmi les مرفوعات الأسماء التي ما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. اسم أحرف ليس, تمام, ليس معروف son عمل ترفع المبتدا ويكون اسم لها, تمام, وتنصب الخبر, وتنصب الخبر ليس محمد كاذبا, تمام, ليس محمد كاذبا. فاسم ليس الى مرفوع دائما, تمام, الى مرفوع دائما اسم خبر كذلك الى منصوب. دونك لا il est en train de nous parler de quoi, des اسم احرف ليس, نعم, ليس على des احرف التي تعمل عمل ليس qui ont le même عمل le même emploi que ليس, تمام, parce que ليس c'est un فعل, تمام. C'est pour ça que والله علم المؤلف رحمه الله تعالى il s'est contenté de كان, parce que كان comme ليس, تمام, et كذلك الاحرف التي تعمل عمل ليس ils ont le même emploi qui est quoi, رفع الاسم ونصب الخبر, تمام. لكن ces احرف là ils font pas partie de اخوات كان, تمام, ils font pas partie de اخوات كان parce que ce sont pas des افعال, تمام, ce sont pas des افعال ناقصه, ce sont des احرف. Donc c'est pour ça que certains ils ont séparé cela, تمام, et qu'ils ont mis un qism يعني à part un neuvième qism qui est quoi, اسم احرف ليس. Donc les احرف ليس ils sont au nombre de 4, تمام, ils sont au nombre de 4 qui sont ما ولا ولات وإن, ما ولا ولات وإن, ça ce sont les أحرف ليس التي تعمل عمل ليس, ما ولا ولات وإن, تمام, ils sont au nombre de 4. مثلا ما محمد كاذبا, تمام, ما محمد كاذبا, ما نعم من أحرف ليس, تمام, ما من أحرف ليس تعمل عمل ليس. محمد اسم ما مرفوع بما وعلامة نص رفعه الضمة الظاهرة في آخره, وحيا جايد يكون نعم حيا, ما محمد كاذبا وكاذبا خبر ما منصوب بما وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. دونك لا هنا محمد دون ما محمد كاذبا ici c'est quoi, اسم ما qui fait partie des أحرف ليس, et اسم ما c'est-à-dire celui qui fait partie des أحرف ليس il est toujours مرفوع, تمام. كذلك là on cite من باب pour comment ça s'appelle pour évoquer les choses qu'il a oubliées, تمام, sinon ces choses-là ils sont à voir en détail, تمام, ils sont à voir en détail, je pense que ça va venir après inchallah, كذلك ليس et tout ça, تمام. لا تا ou plutôt là avant مثلا قولك نعم تعبد الصوفية محمدا ولا محمد إلها, تعبد الصوفية محمدا ولا محمد إلها. لصوفية إذا دور محمد et محمد n'est pas une divinité, تعبد الصوفية محمدا ولا محمد إلها et محمد c'est pas une divinité. Donc là on va se contenter du shahid qui est quoi, ولا محمد إلها. لا هنا il fait partie des أحرف ليس التي تعمل عمل ليس. محمد اسم لا مرفوع بلا وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره, وإناها خبر لا منصوب بلا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. Donc là, Muhammadun كذلك, c'est un ism marfou, min marfouat al-asma, allati talzamu al-raf, qui reste toujours marfou, et qui fait partie des, n'am, qui fait partie des asma, ahruf laysa, et n'am bil tahdid, bila. Ensuite, lata, mathalan, le célèbre poème qui est évoqué par rapport à cela, nadim al-buratu, wa la tasa'ata man damin. Nadim al-bughatu wa la tasa'ata min damin. Les bugha, yani les transgresseurs, yani se mettent à se morfondre, yani à regretter. Hélas, ce n'est plus l'heure pour regretter. Wa la tasa'ata min damin. Il faut savoir que ismu lata qui ya'mal 'amal laysa, c'est comme ce qu'on avait dit nadim al-bughatu wa laysa tis-sa'atu sa'ata min damin. C'est comme si on avait dit Laysa. Donc là, Lata, Ta'mal, Amal, Laysa. Il faut savoir que le ismu de Barclafikum de Lata, c'est, il est toujours, il est kadalik, il est mahzouf. Il n'est pas évoqué. Il est supprimé, lakin il est muqaddar. Il est sous-entendu. C'est mieux de dire sous-entendu que supprimé. Il est sous-entendu, muqaddar. Comme khabaru la nafiyatu lil jins, kadalika il est muqaddar. Et bien, ismu Lata, kadalika, il est muqaddar. Et tu le qaddar par le, comment s'appelle, par le temps. Tam, zaman, sa'a, tam, tout ce qui a une notion de temps. Tam, nadim al-buratu, wa la ta sa'atu, sa'ata man damin. C'est pour ça qu'il le supprime, parce qu'il y aura une répétition. Tam, il y aura une répétition avec le synonyme du khabar qui va venir derrière. Et des fois, ça va être, yani, la même kalima. Tam, wa la ta sa'ata, et wa la ta sa'atu, sa'ata man damin. Et non, certains disent que, tu le qaddar par rapport au khabar. Tu le qaddar par rapport au khabar. Le khabar, c'est sa'a. Sa'ata man damin. Donc là, c'est sa'a. Donc le ism qui est mon qaddar, tu le qaddar par le khabar. Donc ça donnerait wala ta sa'atu sa'ata man damin. C'est pour ça qu'il est supprimé, parce que ça fait une sorte de répétition. Donc si on venait à faire l'i'rab, on dira wala ta la ta min ahruf laysa lati ta'malu amalu laysa. Wa ismuha مقدر تقديره الساعة مرفوع بلا تاء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره والساعة من دم ساعة نعم خبر لا تاء منصوب بلا تاء وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره وهو مضاف ومن دم مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره تام دوك كذلك ism lata, il fait partie des marfouat al-asma que al-mu'allif n'a pas évoqué. Et le dernier qui est in. Fi qawlika mathalan in ahadun khayran min ahadin illa bil afiyah ou illa bit taqwa, c'est mieux de dire bit taqwa, comme قال سبحانه وتعالى in akramakum 'inda Allah atqakum. N'am. N'am. On va changer l'exemple, on va dire in ahadun akrama min ahadin illa bit taqwa. C'est mieux par rapport à la ayah. In ahadun akrama min ahadin illa bil afiyah. Ay laysa ahadun akrama min ahadin illa bil afiyah. Laysa ahadun, parce que in ta'mal 'amal laysa fil ma'na et dans l'emploi. In ahadun ay laysa ahadun akrama min ahadin illa bit taqwa. Tam kama qala subhanahu wa ta'ala. Tam. In akramakum 'inda Allah أتقاكم. Donc إن كذلك من أحرف ليس التي تعمل عمل ليس أحد هنا سكوا خبر بيتو اسم إن التي تعمل عمل كما سأقول ليس نعم. Donc أحد هنا اسم إن مرفوع بإن وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره وأكرم خبر إن منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره إلى جملة كابخة يعني جر ومجرور إلى آخره. Donc là كذلك on peut voir que اسم on peut voir que اسم برضو فيكم اسم إن إلى quoi إلى مرفوع. اسم إن إلى مرفوع. Donc là كذلك c'est une chose que n'a pas évoqué le مؤلف رحمه الله تعالى. Donc lorsqu'il a dit نعم المرفوعات سبعة الصحيح أن يقال المرفوعات تسعة. تام ابن أجروم رحمه الله تعالى il a oublié d'évoquer deux parmi les مرفوعات. Donc الصحيح c'est neuf. تام قال المرفوعات تسعة سبعة كما قلنا تسعة وهي الفاعل والمفعول والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ والخبر وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل. دوك المؤلف رحمه الله تعالى إلى يبكي مرفوعات الأسماء على سبيل الجملة تام جنهو دانسومل. Et comme on a pu évoquer, le huitième c'est khabaru la nafiyatul injins, et le huitième c'est ça, naham, et le neuvième c'est ismu ahruf leysa qui sont ma, wala, walanta, wa in, tam, pour compléter. Donc là, il a évoqué min haythul jumla, et ensuite là, rahimahullah ta'ala, il va évoquer un par un tam, les marfouat min al asma. Donc on poursuit, inshallah, la lecture. Il va commencer par al-fa'il parce qu'il a commencé par lui bi-dhikr. Qala rahimahullah ta'ala babu al-fa'il. Babu al-fa'il. Al-fa'il lughatan c'est quoi? C'est al-muhdith. Al-fa'ilu c'est al-muhdith li'anna al-fa'ilu il est mushtaq de fi'l, fi'lun. Wal-fi'l lughatan c'est quoi? C'est al-hadath, l'action. Fa'ala dhalika et il a fait cette action là. Donc il y a ni celui qui fait l'action qui est le hadath fil lughat al arabiyya, tam, celui qui fait l'action on va l'appeler al muhdith, tam, al muhdith c'est celui qui fait l'action, wal fa'il bi fil lugha bi ma'na al muhdith, tam, celui qui fait l'action. Et là il va nous là ce qu'il va évoquer c'est at ta'rif al istilahi 'inda al nuha, la terminologie du al fa'il auprès des ulama de la grammaire. قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومضمر. نعم. Donc là, il nous a évoqué que pour lui, al-fa'il c'est qui? C'est l'ism, donc ça peut pas être un fi'l, et ni كذلك un harf. C'est un ism qui est marfou, il peut pas être mansoub, il peut pas être majrour, il peut pas être mansoub, majrour. Naam, et majzoum ça c'est mibab awla parce que ça rentre pas le jazm fil asma comme on a pu le voir dans le début du cours. Et kadhalika, il ne peut que venir après le fi'l. On ne trouve pas de fa'il qui vient avant le fi'l. C'est impossible. C'est impossible. Cette définition là, kadhalika tahtaj ila ba'di at-ta'dilat. Il faut qu'elle soit rectifiée sur certaines choses. Wa at-ta'rif as-sahih al-hadd al-matloub, yani dans la définition du fa'il, il faudrait dire plutôt que c'est al-ismu al-marfu' comme il a dit al-mathkour ba'da fi'lin tamin ma'loumin wa haqiqi. On répète al-ismu, plutôt al-fa'il, c'est al-ismu al-marfu' comme il a dit al-mathkour ba'da fi'lin tamin ma'loumin wa haqiqi. Celui qui apprend la définition de fa'il, de celle que je vous ai donnée, ça c'est la définition telle qu'il faut apprendre. Il n'y a pas d'erreur dans cette définition-là. On la répète encore une dernière fois. Al-fa'il, c'est le ismu al-marfu'u al-mathkuru ba'da fi'lin tamin ma'loumin wa haqiqi. Donc c'est le ismu al-marfu'u al-mathkur, c'est celui, le ism marfou' qui est évoqué après un fi'l qui est tam. Même ma'na tam, c'est un fi'l qui est complet. Ma'na tam, un fi'l qui est complet, c'est-à-dire qui n'est pas un naqis. Ma'na dhalika al-fi'l qui est tam, c'est le fi'l qui n'est pas rentré dans un mubtada' khabar. Comme c'est le cas de kana. Tam kana, c'est pas un fi'l tam, c'est un fi'l, lakin il n'est pas tam. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans le mubtada' wa khabar. Tous les af'al qui rentrent dans le mubtada' wa khabar, on appelle ça quoi? Af'al naqisa. Tam kana, mathan kana Allahu aliman hakima. Tam kana huna, c'est un fi'l naqis. Pourquoi? Li'annahu dakhala 'ala al-mubtada wa khabar. C'est pour ça qu'on les appelle nawasikh. Ils viennent, ils abrogent, ils abolissent le hukm du mubtada et du khabar. Tamam? Donc kana wa akhawatuha asbaha. tamilakhirihi, amsa, tous les afhal qui sont évoqués par rapport à cela, ceux qui rentrent dans le mubtada wa khabar, dans la jumla qui est al-asl fiha, c'est une jumla qui est ismiya. Ensuite le verbe y rentre dedans, ça on appelle ça quoi? Un fi'al qui est quoi? Qui est naqis. Donc il faut que ce soit un fi'al qui est tam, c'est-à-dire un fi'al qui a besoin, qui n'a pas besoin d'un mubtada, lakin qui a besoin d'un fa'il. Les deux, c'est eux qui font l'action, lakin il y en a un on appelle fa'il et l'autre on appelle ismu kana ou ila akhirih. Il nous dit ma'loum. Ma ma'na ma'loum? Ma'loum c'est celui qui est, et comme ils disent, yani bun yani lil ma'loum laysa lil majhoul. Par exemple lorsque tu dis kataba Muhammadun risalatan. Kataba Muhammadun risalatan. Ça c'est un fi'l qui est ma'loum. Pourquoi? Parce qu'on connaît le fa'il. Et étant donné qu'on appelle mabni lil majhoul, c'est-à-dire que le fa'il il est ignoré. Par exemple si jamais je dis kutibat risalatun. Kutibat risalatun, et une risala a été écrite. Qui l'a écrit, on ne sait pas. Donc on celui qui a fait l'action, l'action qui a été faite d'un fa'il qu'on ignore qui est le fa'il, on n'appelle pas ça quoi? La personne qui a fait l'action, on n'appelle pas ça un fa'il. On va voir comment on l'appelle. Donc le fa'il, c'est celui qui a fait l'action et qui est évoqué. Mathkour, il est évoqué. Kataba Muhammadun risalatan. Man kataba risala Muhammadun. Kutibat al-risala, si jamais je dis مثلا kutibat al-risala, la risala elle a été écrite. Man katabaha, man alamta, on ne sait pas véritablement. Donc il faut que on n'ignore pas man al-fa'il, celui qui a fait l'action. C'est pour ça qu'on a dit ma'loum. Naam, wa haqiqi, le dernier c'était quoi? Haqiqi. Parce qu'on va voir que tu as certains des asma comme le ism al-fa'il wa sifat al-mushabbaha wa na'am al-masdar ya'malun 'amal al-fi'l. Ils ont la même action que le fi'l. Donc ils vont avoir quoi? Un marfou', celui qui aura fait l'action. Lakin, celui qui aura fait l'action du ism al-fa'il, ou bien du masdar, ou bien de la sifa mushabbaha, prenez-le comme cela, et cette chose-là, on n'appellera pas ça un fa'il. Un fa'il, il faut qu'il ait un fi'l. Même si jamais y'a'mal ces choses-là, ta'mal, ha'mal al-fi'l, lakin, ce ne sont pas des af'al, tamam. Maintenant, si je dis, bon, ça va être un petit exemple, hein. Ja'a daribu Muhammadan. Ja'a ad-daribu Muhammadan. Huna daribun, c'est un ism fa'il, lakin ya'mal 'amal al-fi'l. Tam. Ay ma'na ايش معنى ad-daribu Muhammad? Ay ja'a alladhi daraba Muhammadan. Tam. Yani c'est même bab que vous comprenez au niveau de la définition que le fa'il, tam, il faut que ce soit celui qui a fait l'action d'un fi'l. Si jamais il a fait l'action des choses qui peuvent remplacer le fi'l, on ne va pas appeler ça un fa'il inda al-nuha, même si jamais en vérité c'est lui qui a fait le fa'il. Lakin inda al-nuha, il ne peut être que fa'il si jamais la chose qui l'a précédé c'est un fi'l haqiqi. Amma si la chose qui l'a précédé c'est une chose qui peut remplacer un fi'l, on ne peut pas appeler la chose qui vient après qui a fait l'action, on ne peut pas appeler ça un fa'il. Donc on répète, al-fa'il, c'est ismu, ça peut être un verbe, ça peut être un harf. Al-marfu', il ne peut pas être mansoub, il ne peut pas être majrour. Al-mazkour, il faut qu'il soit évoqué. Ba'da fi'lin, après un verbe. Tamin, c'est-à-dire celui qui est rentré dans un fa'il, et non pas dans un mubtada et dans un khabar. Wa ma'loumun, c'est-à-dire que celui qui a fait l'action est évoqué et n'est pas ignoré. Wa haqiqi, le verbe. Celui qui a fait l'action n'a pas fait l'action d'une chose qui remplace un verbe. Lakin a fait l'action d'un verbe qui l'a précédé. Ça, c'est la vraie définition, celle qui n'a pas d'erreur, du ismu, plutôt du fa'il. Al-ismu al-marfu' al-mathkur, na'am ba'dahu, bifi'lin ta'amin, ma'loumin, tam, wa haqiqi. Qala rahimahullah ta'ala, qala wa huwa ala qismain. Il nous dit que al-fi'l, plutôt al-fa'il, ala qismain. Il est de deux catégories. Et certains, ils voient qu'il est de trois catégories. Lakin, ce qu'a évoqué le Mouallif, il a peut-être raison dans un sens où le Zahir, Yann Qasimo et la Qismain. Ceux qui ont dit Al-Fa'il Thalathatu Aqsam, ils ont évoqué comme Qism Al-Thalis, plutôt ils ont évoqué comme ces Aqsam-là, ils ont dit Al-Ismu Al-Sarih, comme Muhammadun Abdullahi. Kouratun, ce sont des asma qui sont sariha, qui sont clairs, nets et voyants. Ta al-sarih, T'as Abdamir, les pronoms, t'as Anta, Anti, Antum, Nahnu, Huwa, Hiya, et l'akhirihi. Et t'as le Ismu Mu'awwal, c'est-à-dire celui qui est interprété comme étant un ism. Comme on avait pu le voir dans les Nawasib avec N. T'as, on avait pu voir que la définition de N c'est quoi? C'est un harf, masdar, ou istiqbal, ou nasb. Pourquoi on l'appelait masdar? On avait évoqué que N avec le fi'l qui va venir derrière, ils vont être interprétés comme étant un ism. Mathalan, qawlu subhanahu wa ta'ala, wa an tasoumu khayrun lakum. Wa an tasoumu khayrun lakum. La N, il est rentré dans un fi'l qui est quoi? Tasoumu. À chaque fois que tu vas trouver an al-masdariya hadhihi an-nasiba allati tadul ala al-istiqbal, lorsque tu vas trouver an avec un fi'l qui va venir derrière, sache que il faut que tu interprètes an avec le fi'l qui vient derrière comme un masdar. C'est pour ça qu'on l'appelait harfu masdarin, parce qu'elle va être interprétée avec le fi'l qui vient derrière comme étant un masdar. Fa qulu subhanahu wa ta'ala wa antasumu khayrun lakum, c'est comme si jamais c'était dit siyamukum khayrun lakum. Siyamukum khayrun lakum. Parce que an et tasumu, tam, c'est interprété comme étant un masdar. Et comme on a évoqué au pluriel, tam, tasumu et antum, donc dans le masdar, on lui a apporté la notion de ce pluriel masculin. C'est pour ça qu'on a, on a rajouté à siyam kum. Wa an tasumu khayrun lakum, ay siyamukum khayrun lakum. Le kum ihuna, il vient remplacer le waw dans antasumu. Parce que les deux, c'est par quoi? Antum. Tam kum, c'est pour antum. Kadalika le waw. Dans l'afhal, c'est pour évoquer vous. Yani antum. Donc, on répète, le ism, plutôt le fa'il, yanqasimu, tam ila thalathati aqsam. Ala sahih. Ismun sarih. Muhammadun Fatima, Abdullahi, Quratun Kursiyun ila akhirih. Tam. Ismun sarih. Damir, anta, anti, nahnu, antum, ila akhirih. Ou, ismun mu'awwal, ay, an, wa ma dakhala alayha min al-afhal, al-mudara'a. Tam. An tasumu, ay, siyamukum. Tam. Wa siyamukum, khayrun lakum. Tam. Fa, al-sahih, c'est que c'est, thalathatu aqsam. Tam. Lakin, comme on a juste évoqué, lorsqu'il a dit, al-mu'allif, rahmatullahi ta'ala, wa huwa ala qismain, il a peut-être voulu dire que, الظاهر ينقسم إلى قسمين، c'est-à-dire الاسم صريح والاسم المؤول. الضمير إلى نعم سين قسم كي أباه. تام. لكن dans les كتب de النحو on trouve comme cela تام que الفاعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. تام. تام. فالاسم صريح معروف. تام. comme on a pu l'évoquer محمد. les asma les noms qui sont propagés, qui sont connus auprès de tout le monde, tamam, comme on les a évoqués. Le ism sarih, c'est pas un problème, mais inshallah, il est simple. Naam. Qala rahimahullah ta'ala, ba'da zalika, faqala fa'l-zahir. Et là, ce qui est voulu ici, dans al-zahir, c'est al-ismu al-sarih. Qala nahwu qawlika, qama zaydun. Zaydun huna fa'il. Si jamais tu fais l'arabe, qama fi'lun madi, mabni ala sukun, wa zaydun. نعم فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره تمام. قام زيد، زيد هنا اسم صريح. ويقوم زيد كذلك، زيد اسم صريح. نعم وقام الزيداني كذلك، ويقوم الزيداني كذلك، زيدا الفاعل. وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال. المؤلف رحمه الله تعالى إلى évoqué plusieurs sortes, parce que l'ism sarih, tam, il a plusieurs anwa. Dans le premier, il a évoqué le mufrad. Ensuite, il a évoqué le duel. Wa ba'da zalika qama zaydun, il a évoqué naham al-jam' mu'annath al-salim. Wa qama ar-rijal al-jam' al-taksir. Wa yaqumu ar-rijal kadhalika al-jam' al-taksir. Wa qamat hindun kalimat al-mu'annatha. Tam. Wa taqumu hindun kadhalika sil-fa'il min kalima mu'annatha. وقامت الهندان، il faut faire attention par rapport ici les arabes, parce que ça arrive, certains font des erreurs ici. وقامت الهندان، ils pensent que le ta قامت، le ta هنا، ils pensent que c'est le فاعل. Là, le ta هنا c'est harf، plutôt c'est نعم ta تأنيث، تام ta تأنيث، ta تأنيث c'est pas، c'est une إشارة، تام c'est une علامة، علامة تأنيث، qui nous montre que le فعل qui va venir derrière، le فاعل qui va venir derrière، تام il est مؤنث، et c'est pas lui le فاعل. Certains lorsqu'ils font les arabes قامت، ils disent قامة فعل الماضي مبني على الضمة والتاء فاعل في محل دمير متصل في محل رفع فاعل لا تام لو تا هنا سي كوا سي ان حرف سي تاء تانيس تام الساكنه اي هنا اون لو مي لا كسره باسكو يا دو سكون كي سويف وقامت الهندان تام كذلك هنا سي جمع تكسير وتقوم الهندان بتو سي با جمع تكسير سي الدوال وتقوم الهندان كذلك هنا هندان سي الفاعل اسم صريح وقامت الهندات جمع انث السالم تام ان نوع كذلك من انواع الاسم صريح وتقوم الهندات وقامت الهنود كذلك جمع التكسير وتقوم الهنود وقام اخوك هنا سكوا الاسماء سته ويقوم اخوك وقام غلامي الاسم كي مضاف ويقوم غلامي نعم قال وما اشبه ذلك دونك tout ce qu'il a évoqué al mu'allif rahimahullah ta'ala ça fait partie des asma as-sariha tam des asma sariha wa tatanawwa' elles ont plusieurs catégories comme on a pu évoquer tam قال رحمه الله تعالى قال والمضمر تم المضمر سي الضمير تم المضمر سي الضمير قال والمضمر 12 يسون نمبر دو 12 قال نحو قولك ضربت تم لو تا هنا سي كوا سي ان ضمير لو تا هنا سي ان ضمير نعم قال ضربت سي ما تشوف الاعراب شي جهه ضربت فعل في نعم ضربت فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بإحدى بالاتصال به بالتاء المتحركة والتاء هنا ضمير متصل مرفوع ضمير متصل في محل رفع فاعل pourquoi on ne dit pas مرفوع parce qu'il est مبني تام on ne dit pas مرفوع parce qu'il est مبني donc on dit في محل تام ضربت تام قال ضربنا كذلك النا هنا سل الضمير وضربت كذلك سان ضمير سل الفاعل هنا وضربت هنا لو فاعل سي هي تام il est pas évoqué c'est pas le ta huna tam darabti huna c'est le fa'il dont darabti c'est hiya il est mustatir tam il est muqaddar il est mustatir il est caché tam qala wa darabtuma al sahih c'est que c'est tuma le fa'il certains ont dit c'est quoi c'est le ta ils ont dit le mim huna avec le alif c'est celui qui yadul ala al tathniya qui apporte le sens du duel. Lakin en sahih, comme l'a dit Cheikh Al-Azaymin, rahimahullah ta'ala, lorsque tu vois qu'il y a un khilaf entre les nuha, prends la vie qui est le plus simple. Hein. Donc, qu'est-ce qui est le plus simple? Jamais on fait les arabes, مثلاً, darabtuma, tu vas dire, fi'alun ma'adhi mabni ala sukun. Wa l'ittisalihi bitta al-mutaharrika. Wa ta mutaharrika, wa tuma, damir muttasil, fi mahal rafa'il. Amma si jamais on fait de la manière dont font, il y en a demandé, il y en a, le font certaines personnes, ça va faire darabtuma fi'lun madi mabni 'ala sukun l'ittisal bi bid-damir al-mutaharrik. Tam wa ta damir al-muttasil fi mahal raf fa'il wal wal mim 'alamat at-tathniya. Yani tu rajoutes de la parole. Wa kama qalat kama taqul al-arab khayr al-kalam ma dalla wa qall. La meilleure des paroles c'est celle qui est concise et qui apporte un sens. Donc, plus on va faire court, et mieux c'est. Donc, le premier arabe, il est mieux, comme l'a dit Cheikh Al-Athaymin, parce que Touma, directement, tu dis c'est quoi? C'est le fa'il. قال وضربتم كذلك مبني على السكون والتوم دمير متصل في محرف فاعل. Donc, le fa'il, il peut être quoi? Il peut être مبني, comme c'est le cas ici, ou il peut être كذلك مرفوع, comme on a pu voir avec les asma, as-sariha, قبل ذلك. قال وضربتم, نعم, تون هنا, c'est un دمير كذلك متصل, بمعنى أنتن. تام بمعنى أنتن أي ضربتن أي ضربتن أنتن تام قال وضرب هنا الضمير بتو الفاعل كي الضمير هنا إلى كذلك مستتر son تقدير c'est quoi هو ضرب أي هو تام si on fait l'arabe on va dire ضرب فعل ماضي مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر جوازا on va l'évoquer ça après جوازا وتقديره هو تام قال وضربت كذلك ضربت فعل الماضي مبني على الفتحة والتاء تأنيس الساكنة لا محل لها من الإعراب بس كلمة مبنية سي أن حرف وفاعله ضمير مستتر تقديره هي تمام ضربت أي هي قال وضرب نعم ضرب الفاعل هنا سي ألف التثنية تمام ألف التثنية في محل رفع فاعل وضربوا الفاعل هنا سي الواو ضربوا تمام الواو وضربنا الفعل هنا سي نون النسوة كي على فان تمام فالضمير كما vous avez pu le voir تمام الى على اشكال تمام الى على اشكال تا tu as des damirs qui sont vahir, ils appellent ça damirun bariz, qui est évoqué, qui est apparent, comme c'est le cas de darabtu, darabana, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtun, daraba, darabu, darabna. Tous ceux-là, ils sont apparents. Le tu, le nun, tam il akhiri, ça, ce sont des damirs qui sont bariza, qui sont apparents. Et tu as des damirs qui sont quoi? Tu as des damirs qui sont, barakallahu fikum, mustatir, comme c'est le cas avec daraba wa darabat. Dans les deux cas, ils n'apparaissent pas. Lakin, jawazan. On va voir que le damir, si jamais on veut résumer le damir, tu vas dire ad-damir, imma an yakuna muttasilan wa imma an yakuna munfasila. Le damir, il peut être quoi? Soit muttasil, ou bien soit il peut être quoi? Munfasil. La série qu'il a évoquée, rahimahullah ta'ala, huna, il a joué entre les deux. Certains ils étaient muttasil et certains ils sont munfasil. فال نعم المتصل مثلا لتا فعلت فعلت فعلت فعلت فعلتم فعلت فعلتما تمام ça c'est le ta c'est un damir qui est quoi متصل et qui est bariz voyons et apparent تمام le waw comme on a pu le voir فعلوا تمام يفعلون افعلوا le waw هنا c'est un damir qui est متصل le ya كذلك il fait partie des damir qui est متصله taf'alina, en parlant à une femme, anti, taf'alina, le yahuna, tam, c'est le damir muttasil qui est fa'il. Wa kazalika l'amr, if'ali, le ya kazalika huna, c'est un damir muttasil qui est fa'il. Le alif est tafmiya, kazalika, c'est un damir qui est muttasil. Mathalan, tu dis, fa'ala, en parlant de deux personnes, fa'ala, deux personnes, zahaba, il a khari, fa'alata, il a oublié de l'évoquer ça, aussi le mu'allif, rahmallah ta'ala, il y en a 13 en vérité, tam. Fa'alata, en parlant de deux femmes qui ont fait. Tu rajoutes à darabat le alif. Darabata, ce sont deux femmes qui ont fait. Amma daraba, ce sont deux hommes. Darabata, ce sont deux femmes. Donc, très oublié. Le damir, lorsqu'il a dit, al-mudmar ithna ashara, al-sahir, c'est quoi? Salatata ashara. Parce qu'il y a darabata. Naam, on était où? Naam, on avait quel le alif? Naam, fa'ala, fa'alata, taf'alani. يفعلان يفعل يفعلتا الى اخره تمام دونك لو الف هنا سان دامر متصل كي كو فاعل اي كذلك النون نون النسوه ذهبنا يذهبنا تذهبنا تمام النون هنا سنون نسوه دونك سي دامر لا لو تا لو واو لو يا لو الف اي والنون تمام سي 5 دامر سو سون دي دامر كي سون كو متصل اي كي سون منفصل فاصون سي جامي لي متصل اي بوت كو اي سون جو دير متصل و اي سون بارز T'as muttasil et bariz. S'il est muttasil, il peut être que bariz, c'est-à-dire avoyant, voyant et apparent. T'as, donc ça, c'est la catégorie des damers qui sont quoi? Qui sont muttasila. T'as. Ensuite, il faut savoir que la deuxième catégorie qu'on a évoquée, qui est adama'er qui sont munfasila. T'as. Et ces damers qui sont munfasila, tanqasimu ila qismayn. Qismun zahir wa qismun mustatir. Adama'er al-munfasil, celui qui est détaché du verbe, il peut être soit apparent ou peut être kadalika caché. Amma damir al-muttasil, celui qui est accroché au fi'l, il peut être que quoi? Apparent. Amma al-munfasil, yanqasimu ila qismayn. Il peut être zahir, apparent, comme il peut être kadalika mustatir, c'est-à-dire caché. L'apparent, mathalan, ma dakhala al-faslu illa ana. Ma dakhala al-faslu illa ana. Fa ana huna, c'est un damir. Fa'il. Parce que c'est qui a fait l'action? Ma dakhala, huna. Personne n'est rentré dans la classe excepté moi. Donc ana, moi, c'est moi qui ai fait l'action de rentrer dans la classe. Donc je suis le fa'il. Et la kazalika, il est marfou plutôt, il est fi mahal raf parce que abdamaer kulliha, abdamaer kulluha, ils sont tous mabniya. Ils sont tous mabniya, ils ont un mahal fi l'arab, lakin ils sont mabni, ils sont pas mu'arab. Donc ma dakhala al-faslu illa ana, huna ana c'est quoi? C'est un damir qui est munfasil et qui est zahir et qui est le fa'il de dakhala. إنما دخل الفصل نحن كذلك هنا نحن c'est nous qui avons fait l'action de rentrer dans la classe تام إنما دخل الفصل نحن nous sommes les personnes qui sont rentrées dans la classe donc نحن هنا دمير منفصل بارز apparent et c'est le فعل de quoi de دخل donc ça c'est la catégorie plutôt les exemples qu'on a évoqués par rapport au دمير qui est quoi منفصل détaché du فعل comme c'est le cas ici et qui sont quoi ظاهرة qui sont apparents. Maintenant, on va procéder aux damar qui sont munfasila, détachés, lakin qui sont quoi? Mustatira. Donc, ad-damar mustatira kadhalika, تنقسم إلى قسمين. Donc là, aujourd'hui, c'est les aqsam. Ce que je vous conseille, inshallah, à la fin du cours, ou lorsque vous allez réécouter l'audio, c'est de faire un résumé, tamam, avec des flèches, tamam. Le مثلا الضمير ينقسم إلى قسمين, et ce qism ينقسم إلى قسمين, vous faites un espèce de tableau avec des flèches. Ça va vous aider pour la muraja'a, inshallah. Donc là, on parle de quoi? Des damers qui sont quoi? Munfasila, détachés, et qui sont mustatira, qui sont cachés, on ne les voit pas. Et il faut savoir que ce damer qui sont munfasila et mustatira, tanqasimu kathalika ila qismain. Qismun al-istitaru fihi bil-wujub. Wa qismun al-istitaru fihi jawazan. Et qismun mustatirun wujuban. وقسم مستتر جوازا. T'as un qism qui est quoi? Qui peut être, lorsqu'il est sous-entendu, il est sous-entendu bil wujub. Il ne peut pas apparaître abadan. Et t'as un qism qui est sous-entendu et qui peut apparaître, lakin c'est mieux de ne pas le faire apparaître. Donc on va procéder awalan à celui qui est quoi? Qui est damir munfasil, damir munfasil mustatir jawazan. Celui qui peut être évoqué comme c'est mieux pour lui de ne pas l'évoquer. مثلا ذهب تمام ذهب هنا تمام c'est un le fa'il de ذهب c'est un damir تمام مستتر il n'est pas évoqué comme vous le voyez ici ذهب damir مستتر لكن جوازا. Lorsqu'on fait l'i'rab on va dire ذهب فعل ماض مبني وفاعله damir مستتر جوازا تقديره هو. Même ma'na jawazan, et si jamais tu veux, tu peux dire zahaba, ou si jamais tu veux, tu peux dire zahaba huwa. Lakin le fait que tu dis zahaba, ça peut être que quoi? Huwa. Donc, il n'y a pas lieu de répéter, de, plutôt pas de répéter, mais lakin de l'évoquer. Pourquoi? Parce qu'on a un qarin, un indice, qui nous montre que le fa'il, le fa'il de zahaba, ça peut être quoi? Que huwa. Donc, tu n'as pas besoin de l'évoquer. Excepté si jamais tu veux apporter quoi? At-tawkid. Tu peux l'évoquer aussi, lakin c'est mieux de ne pas l'évoquer. Parce que les Arabes, lorsqu'une chose elle est comprise dans le contexte, ils ne l'évoquent pas. مثلا, si jamais tu dis à une personne, Masmuka, tu vas dire quoi? Muhammadun. Tu ne vas pas dire Ismi Muhammadun. Tu ne vas pas répéter mon nom est Muhammad. Donc là, ils n'évoquent pas le Mubtada. Pourquoi? Parce qu'il est ma'ruf. Il est connu. Une chose qui est ma'ruf, les Arabes ne l'évoquent plus. Kathalika, Zahabat. Zahabat, le damir huna, il est mustatir, jawazan. Taqdiruhu, hiya. Si on fait l'arabe, Zahabat, fialun ma'adi, mabina ala fatha. وتأنيث الساكنة لا محل له من الإعراب وبطول لا محل لها من الإعراب على قد محل تام. وفاعله دمير مستتر جوازا تام. Il est possible de l'évoquer comme il est possible de ne pas l'évoquer. جوازا وتقديره هي أي lorsque tu dis ذهبت ça peut être que quoi هي تام. Parce qu'on a une alama qui nous montre que c'est pas هو. C'est pour ça qu'ils ont ramené le ta. Parce qu'à la base tu peux utiliser ذهب pour هو Wahiya, lakin, ils ont vu que si jamais on ramène pas une halama pour séparer entre hiya wa huwa, on va se tromper, on va plus savoir qui a fait l'action. Zahaba, ça peut être huwa comme hiya. C'est pour ça qu'ils ont ramené hiya et son, plutôt je veux dire, le ta'nis et sakina, et son rôle, c'est de départager entre quoi? Huwa, wahiya, dont celui qui a fait l'action, al-fa'il. C'est pour ça qu'ils ont ramené le ta. Le ta, c'est pas al-fa'il, ta'nis et sakina. Donc, zahabat, c'est pas al-fa'il, lakin c'est une halama. Qui nous montre que al-fa'il alladhi fa'al al-fi'l mu'annath, il est féminin. كذلك يذهب تام يذهب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامه رفعه الضمه الظاهره في اخره وفاعله ضمير مستتر تقديره هو جوازا تام يذهب تذهب pardon que c'est une femme تمام تذهب اي هي كذلك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هي et t'aurais pu dire تذهب هي et t'aurais pu dire كذلك يذهب هو لكن c'est mieux de pas l'évoquer parce que lorsque tu dis يذهب ça peut être que هو et lorsque tu dis تذهب pour une féminin ça peut être que quoi هي. Donc ça c'est quoi les ضمير qui sont quoi qui sont munfasila et qui sont mustatira et ensuite qui sont mustatira جوازا ils sont au nombre de deux qui sont quoi هو. On va passer à ceux qui sont munfasila, détachés, mustatira, qui ne sont pas apparents, et qui sont dans istitar et les quoi, wujuban, on ne peut pas les faire apparaître. Qui sont au nombre de trois, ana, anta, wa nahnu. أنا أنت ونحن. مثلا أطلب العلم أي أطلب أنا تمام العلم. On n'a pas besoin de ramener أنا هنا parce que le harf qui est au début qui est l'alif il nous montre que celui qui a le locus, la personne qui a fait le fi'l tam celui qui a fait l'action ça peut être que quoi ana tam atlub al-ilm ay ana t'as pas besoin de le ramener. Si jamais tu fais l'arab atlubu fi'l mudari' marfou' wa 'alamat raf'ihi ad-damma adh-dhahira fi akhirih wa fa'iluhu damir mustatir wujuban mustatir wujuban ay il est caché et il est obligé d'être caché il peut pas apparaître tam wa taqdiruhu ana. On va voir, tu peux le faire apparaître si jamais tu veux apporter la notion du tawkid. Atlub ana al-ilm. Ana zalika. Tu veux appuyer que c'est toi qui vas faire cette action-là. Lakin, si jamais tu ne veux pas apporter la notion de ce tawkid-là, tu ne dois pas faire apparaître ana. Wujuban. Les Arabes, ils n'ont jamais prononcé le fa'il de af'alu. Et tout ce qui est à la wazn af'alu, ils ne l'ont jamais prononcé. Donc il ne faut pas le prononcer. Kazalika anta. Damirun munfasil. Mustatir. Wujuban. Il ne peut pas apparaître. تفعل تطلب العلم أنت تطلب العلم تطلب العلم plutôt je l'ai évoqué on doit pas l'évoquer تطلب العلم donc là هنا تطلب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضم الظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر وجوبا obligé il n'apparaît pas تقديره أنت تقديره أنت on finit avec نحن نحن كذلك مثلا نطلب العلم في لا même chose فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره وفاعله ضمير ضمير مستتر وجوبا إن apparaît pas كذلك وتقديره son qu'est-ce qui est sous-entendu هنا c'est quoi c'est نحن تمام donc ça c'est la khulasa نعم il manque le troisième قسم نعم ça c'est la khulasa de quoi de ضمائر الضمير إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا والمتصل لا بد أن يكون بارزا obligé d'être apparent والمنفصل ينقسم إلى قسمين ظاهر ومستتر ظاهر مثل أنا نحن ما دخل الفصل إلى أنا والمستتر مثل ذهب تم إلى آخره ذهب هو تم والمستتر على قسمين قسم استتاره وجوبا بالوجوب وقسم استتاره بالجواز تم سأصبح خلاصة بعطوه دمير تم نقطة من قسم كما نقول بكي الاسم المؤول celui qui a interprété avec un et le fi'l qui va entrer le fi'l qui va entrer dedans comme on a pu l'évoquer par rapport à l'aya wa anta sumu khayrun lakum tam là c'est pas un bon exemple parce que là anta sumu khayrun lakum là c'est fi mahal raf mubtada parce que lorsqu'on dit anta sumu khayrun lakum ay siyamukum khayrun lakum donc on va essayer de trouver un exemple tac tac n'am l'exemple par rapport à cela du ismu mu'awwal مثلاً anta qul yahsunu an tajtahid يحسنوا أن تجتهد. Il est bon que tu fasses des efforts. يحسنوا أن تجتهد. أي يحسنوا اجتهادك. يحسنوا اجتهادك. Parce qu'on a dit que أن حرف مصدر s'y rend dans un فعل ils vont interpréter comme un مصدر. C'est quoi le مصدر de اجتهد? C'est اجتهاد. Lorsqu'on parle plutôt le فعل dans أن تجتهد c'est quoi? Comme on peut le voir c'est أنت. أنت أي أن تجتهد أنت. Donc anta ce damir là lorsqu'on le met muttasil ça va être remplacé par quoi un kaf lorsqu'il va entrer dans un ism ça va être remplacé par un kaf tu dis pas ijtihadu anta ça se dit pas t'as. Donc on doit le ramener par quoi un damir qui est muttasil parce que ils disent il y a une règle le damir muttasil le damir qui est munfasil si jamais tu as la possibilité de le rendre munfasil tu dois le faire t'as, on peut pas dire ijtihadu anta on a trouvé le masdar on sait qu'on parlait à anta. Est-ce qu'on peut rentrer ijtihadun avec anta? Là, c'est pas possible, hein, parce que on doit l'attacher à partir du moment qu'on le peut. Donc là, c'est possible. On a le suppléant de anta qui est quoi? Le kaf. Ijtihaduka. Yahsunu ijtihaduka. Si jamais tu fais l'arabe, de yahsunu ijtihaduka, tu diras yahsunu fi'l mudari' marfou' wa 'alamat raf'ihi adamma dhahira fi akhirih. Wa an harfu masdarin wa istiqbalin wa nasb. وتجتهد فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. Ensuite tu diras ونعم وفاعله ضمير مستتر وجوبا. تمام. On a pu voir وجوبا وتقديره إيش أنت. تمام. Ensuite tu dis an tashtahida, tu dis an wa ma dakhala alayha, c'est-à-dire le fi'l qui est tashtahid fi ta'wil masdarin ijtihaduka. Tam fi ta'wil masdarin ijtihaduka. Tam tu diras an wa ma dakhala alayha fi mahal raf fa'il. Fi mahal raf fa'il, et le taqdir c'est quoi? Ijtihaduka. Donc ça c'est l'exemple par rapport au ismu muawwal wa qis ala dhalika. Si jamais il y a des questions par rapport à cela, il manquait de voir Arkham, Inch'Allah, on va le prendre pour la prochaine fois, parce que je pense que l'heure de la prière approche pour vous. Donc s'il y a des questions par rapport au cours, Inch'Allah, faites part, ou sinon, on se contente de cela. Pour les personnes, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui veulent participer, on le répète, Inch'Allah, aux cours et aux conférences kadhalika qui sont données sur, cette, sur ce salon-là, il est demandé qu'elles ont des identifiants qui ne laissent pas apparaître le sexe féminin du genre masculin. Tout ça, c'est pour fermer la bab à la fitna, parce que c'est un réseau social, il peut y avoir des discussions. Donc le fait qu'on ignore qui est la personne, ça ferme le bab, ça limite les fitanes, et tant qu'on peut limiter les fitanes, il faut le faire. Car Allah subhanahu wa ta'ala hatha ala zalika, wa la taqarabu al-zina. On n'est pas à l'abri de tomber dedans. On nasse Allah subhanahu wa ta'ala salamata wal-afiya. Yusuf, qui faisait partie des Anbiya, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il le préserve lorsqu'il y avait la fitna par rapport à Nisa. Fa'idha kana Yusuf alayhi salam, il a demandé l'aide à Allah azza wa jal par rapport à cela. Donc que dire de nous? Est-ce qu'on peut dire an wa ma dakhala alayhi masdar mu'awwal taqdiruhu siyamuka? Non, tu peux dire ça kadhalik. Tu peux dire ça. Mais c'est bien de ramener le mahal. Tu diras an wa ma dakhala alayhi fi mahal, il faut que tu ramènes le mahal awalan. Fi mahal raf fa'il taqdiruhu siyamuka. Inch'Allah, je vais regarder l'Arab qui donne exactement cela. Parce qu'il ramène aussi Masdar dedans. Il est un peu long, c'est Arab-là. An wa ma dakhala alayha. Na'am, fi ta'wil masdarin mu'awwal fi maharraf fa'il. Faut tout ramener. Il faut ramener l'Arab, il faut ramener le ta'wil et l'akhirah. Donc, Inch'Allah, s'il n'y a pas d'autres questions, on se contente de cela. Wa fiikum barakallah. Donc Inch'Allah tous les cours seront, ils auront lieu Inch'Allah samedi, et on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il facilite pour qu'on puisse avoir un modem avec une connexion comme elle était avant sans qu'il y ait d'interruption. Nas Allah subhanahu wa ta'ala ayyanfa'ana wa iyyakum bima sami'ana wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawm al-din. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Subhanaka wa astaghfiruka wa atubu. Ma'a tahiyyati dammaj.fm.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum. Al-hadar min ar-rukun ila adh-dhalama min shi'ah aw hizbiyyin, la tarkan ilayhim haula'i tha'abi.